Le comité central du Parti du Travail de Corée a offert le 13 courant, à l'occasion du 15 avril, les banquets en l'honneur des délégations des partis politiques de divers pays. Y ont pris part les membres des délégations du Parti des Socialistes Moldaves, du Parti Socialiste National Uni Népalais, du Parti Révolutionnaire Populaire Mongol, du Parti Zatia Bangladais, du Parti Islamique Uni Iranien, l'ambassadeur mongol en Corée Suligin Chokgerel et l'ambassadeur iranien Seyed Mohsen Emati. Lee Soo-young, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, y a pris part avec d'autres cadres du comité central du parti.